corps bien mal éclairé. Je descends l'escalier qui mène au potager. Trois enjambées pour traverser. La pente est douce qui mène à l'étang. La prairie pousse après les pluies du printemps. Je m'assois sur la pierre tout au bout du champ. Quand de la lisière tout doucement, deux traits de lumière déchirent le brouillard. Quel est ce mystère, à qui est ce regard? Par-dessus mon épaule on lit dans mon grimoire une fourrure me frôle. C'est mon ami bavard, mon ami le loup noir, qui revient pour me voir. Simplement parce qu'un jour, un jour de chaleur lourde, je lui ai offert à boire un peu d'eau de ma cour. Simplement j'ai laissé un soir de fin tenace son long museau glissé au fond de ma besace. Depuis de temps en temps il revient pour me voir. À nouveau je l'entends me conter son histoire. Toujours la même histoire, interminable histoire, interminable, interminable.